sais pas si vous avez déjà entendu le chant en anglais qui s'appelle Amazing Grace. Et savez-vous comment ce qui a été composé et par qui? Oui, toi tu dis oui. J'en ai un qu'une qui sait. Ben, avez-vous pas entendu parler du film Oui, Amazing c'est Grace? ça que je veux juste parler un peu, là. Parce Ok. que je l'ai regardé aujourd'hui, ce film-là. C'est un film anglais? Oui, mais il est en français, traduit en français. Ça s'appelle comment? La grâce du ciel en français, mais en anglais, c'est Amazing Grace. Yeah. C'est John Newton qui a composé le cantique. Et John Newton était un esclavagiste pendant une grande partie de sa vie. Donc, il faisait l'esclavage des Noirs. Donc, j'étais impressionné un petit peu après-midi d'écouter ça. Fait que j'étais allé sur Internet après, puis j'ai dit, c'est qui John Newton? Puis, est-ce qu'il était chrétien vraiment? Parce que le chant parle pas de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il parle, j'étais aveugle, maintenant je vois, Dieu m'a fait grâce, ça, mais il parle pas de Jésus comme tel. Fait que j'étais allé voir sur Internet, et il était un prêtre anglican. Okay? Après qu'il a vécu. Puis quand il parle de son témoignage, j'ai lu son témoignage sur Internet, et quand il parle de ça, il parle d'expérience qu'il a vécue. On s'est proche de la mort à plusieurs reprises, puis Dieu l'a protégé de mourir sur le bateau. Puis en tout cas, il y a plusieurs événements qui fait que lui, il croit que quelqu'un qui le protège. Et il se convertit dans ce sens qu'il se tourne vers Dieu. Et finalement, il abandonne l'esclavagisme. Puis là, il devient un fervent qui va aller contre. Puis c'est un de ses fidèles dans l'Église ou ce qu'il enseigne, qui va prendre ça en main, puis qui va lui pousser ça au gouvernement pour passer une loi contre l'esclavagisme en Angleterre, les années 1800, quelque chose. 1700, 1800. Il est mort en 1807, si je ne me trompe pas. Mais dans tout ce qu'il dit par rapport à son salut, à sa conversion, il ne parle pas de Jésus, jamais. Fait que ça m'a surpris qu'il ne parle pas de Jésus. Il parle de son expérience que Dieu l'a protégé. Il dit dans le film, à quelque part, il dit. Comment est-ce qu'il dit ça? Il y a deux choses à être très importantes. Je suis un grand pécheur, mais il y a aussi un grand sauveur. Mais ça arrête là. C'est tout ce qu'il dit dans le film. Mais dans ce que j'ai lu de lui sur Internet, en tout cas de ce qu'ils nous disent à être de lui, il n'en parle pas. Fait que ça m'a resté perplexe de voir que, puis étant un prêtre anglican, je ne suis pas sûr s'il a compris l'Évangile. Mais qui a composé un chant qu'un homme qui a vécu une conversion religieuse pourrait avoir composé. Que je vous ai rajouté? As-tu déjà entendu les CD, par exemple, qui ont. Il y a des CD, des audio CD Oui. qui ont. Qui as-tu utilisé, que des chrétiens utilisent, qui ont pris ça, qui ont fait des études d'évangile, c'est ça que tu parles? Non, c'est l'histoire de John Newton. Il y en a trois, William Wilberforce, puis en tout cas, ça vient tout ensemble, il faut que ça en ait parmi les vents. Ouais. Puis j'ai déjà entendu ces CD-là. Ouais, puis. Moi, j'ai jamais vu le film. OK. J'ai juste entendu les CD. OK. Moi, sur le site d'Amazing Grace, le site web, là, il parle que les chrétiens utilisent ce film-là pour démontrer des choses, des vérités bibliques. Mais c'est les chrétiens qui le font, là. C'est pas John Newton qui l'a fait quand lui était vivant. C'est comme un peu les chrétiens des années 70 ont utilisé le film du Poséidon pour démontrer des vérités bibliques. Le film Poséidon n'est pas chrétien pour tout, mais ça parle d'un seul chemin pour être sauvé, sortir de ce navire qui va les faire mourir. Puis ça. Ceux qui ne veulent pas prendre ce chemin-là, mais ils meurent tous dans le bateau. Puis là, ils se servent de ça comme Jésus est le seul chemin dans ce sens-là. Mais ce que j'ai lu de lui, de sa vie, de ses paroles qu'il dit sur Internet, je ne suis pas sûr. Mais je vois qu'il y a des chrétiens qui l'utilisent. Mais en même temps, j'ai vu sur le site Internet que Mère Teresa utilise le même film pour le côté catholique. C'est ça que je vous dis que c'est pas assez clair pour trancher. Tu sais, pour dire l'Évangile, c'est ça. Puis ça, c'est pas l'Évangile. C'est fait que c'est pas assez clair. Puis les Anglicans, à ce que je sache, les années 1800, n'étaient pas évangéliques, à ce que je sache. Donc, c'est ça, je vais essayer de pousser un peu plus loin la recherche. Mais il a fait beaucoup de chants, John Newton, qu'on chante. Mais les chants sont pas explicites comme on aimerait dire j'ai cru en Jésus, il m'a sauvé, Jésus c'est mon seul sauveur. Mais comment peut-il être en même temps dire ça, puis en même temps faire la messe ou faire des choses là, tu dis tu peux pas faire un peu comme j'étais un petit peu surpris quand Marcel a dit c'est un prêtre un peu évangélique. Ouais. Là j'étais là. Oh, moi j'ai failli dire tout ça. J'ai dit comment peux-tu être prêtre catholique puis être en même temps chrétien, j'ai de la misère. J'ai de la misère un petit peu. Mais je dis pas qu'un prêtre peut pas se convertir, oui. Mais vas-tu rester prêtre et continuer à faire les confessions, continuer à faire. J'ai un petit peu de misère. J'en sais pas assez ça de Newton, mais ce que j'ai lu aujourd'hui. Là, si je vous dis ça, c'est parce que c'est donc facile d'entendre quelque chose et de penser que la personne est chrétienne. C'est pas sûr. Il faut faire des recherches plus loin pour voir vraiment s'ils sont chrétiens, ces personnes-là, ou pas. Parce qu'il y a un terme, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà écouté des émissions à la télévision de prêtres catholiques. Et pendant deux, trois émissions, tu penses qu'ils sont chrétiens. Puis la quatrième, paf, il y a le purgatoire. Tu sais, tu dis, hop, c'est comment ça, tout d'un coup, qui, la semaine passée, il prêchait l'Évangile, quasiment. Puis aujourd'hui, il prêche que quand tu vas mourir, tu auras le purgatoire. C'est contradictoire complètement. Donc, il faut aller plus loin. Et quand on parle de Timothée ou qu'on parle de certaines épîtres, c'est la même chose. Des fois, on se demande comment ça, que dans les églises chrétiennes, on rentre des affaires. Puis là, tu te demandes comment. Jean va dire un peu plus loin. Les antéchrists étaient parmi nous, mais s'ils avaient été vraiment des nôtres, ils auraient resté avec nous autres, mais ils sont partis pour qu'ils soient manifestes qu'ils n'étaient pas des nôtres. Là, tu dis, pendant un temps, tout le monde a cru qu'ils étaient des chrétiens, puis du coup, ils ne sont plus. Faut toujours aller vérifier pour voir est-ce que la personne est cohérente dans ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait. En tant que, tu ne peux pas en même temps dire que tu es sauvé par la grâce seulement, puis ensuite, tu fais chanter une messe pour un homme du purgatoire. Si tu fais ça, soit tu n'as pas compris quelque chose. Ben non, soit tu n'as pas compris l'Évangile du tout. Si tu as compris l'Évangile, tu ne feras pas chanter des messes pour quelqu'un qui est au purgatoire. Ça ne se tient pas, là. Et tu ne prieras pas pour quelqu'un qui est mort, pour que Dieu le sauve. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que quand j'ai compris qu'il était un prêtre, anglican, je me dis, mais il me semble que la foi anglicane, à ce moment-là, n'était pas évangélique, à ma compréhension. Malgré que je connais des hommes qui ont fait partie de l'Église anglicane, mais l'Église anglicane, c'est ce qu'on appelle de low church. High church, c'est l'Église anglicane qui est quasiment comme les catholiques. Le low church, c'est l'Église anglicane évangélique. Donc, mais tu vas entendre souvent des catholiques ou des gens religieux parler de Jésus comme étant leur sauveur. Les témoins de Jéhovah, si vous les recevez à la porte, ils vont vous dire qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ, qu'ils ont la vie éternelle par Jésus-Christ. Tu continues à parler avec eux autres, puis Jésus-Christ n'est pas Dieu, puis l'enfer n'existe pas. Puis finalement, tu te dis, mais dans quoi vous avez vécu, non, dans le fond? C'est sûr qu'il faut toujours aller plus loin pour ne pas juste arrêter dans les premières paroles de la personne, puis aller un peu plus loin pour voir. Et c'est ce que Paul invite Timothée à faire à un certain moment donné. Va vérifier, regarde bien, interroge, pour voir ce que tu entends vient vraiment des Écritures, selon le fondement qu'on a placé, nous autres les apôtres. Sans ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit à plusieurs reprises que l'Église, règle générale, ne va jamais persister. Elle va toujours arrêter de fonctionner. Pas l'Église du Christ, mais une Église, de quelque nom que ce soit, va toujours finir par arrêter de fonctionner. Elle va changer de nom. Vous allez étudier des histoires comme les luthériens, le mouvement que Luther a commencé, c'est devenu libéral. Les méthodistes, qui étaient des Charles Wesley, qui a parti ça, était vraiment évangélique au début. Maintenant, après ça, ils sont finis. Donc, il y a beaucoup de mouvements, même aux États-Unis, il y a beaucoup de baptistes aux États-Unis qui ne sont plus évangéliques. Pourtant, c'est évangélique il y a 100 ans. Maintenant, ils ne sont les plus. C'est que ça s'éloigne tranquillement parce qu'on ne fait pas attention de vérifier. Puis moi, je trouve aujourd'hui, c'est juste la pensée de François, je trouve aujourd'hui que c'est encore plus mélangeant, plus facile. Parce qu'on a un plus grand mélange de chrétiens dans les mêmes églises. Puis on ne sait plus de ce que les gens viennent, puis on ne sait plus qu'est-ce qu'ils croient et ce qu'ils ne croient pas. Puis plus l'église est grosse, plus c'est difficile à savoir. Après-midi, il y a un pasteur qui m'a invité à aller à leur réunion de prière. Ils ont dit, on t'invite à notre réunion de prière le dimanche soir. J'ai dit, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui est un baptiste, qui a donné une conférence, et ils sont allés là, eux autres. Les autres ne sont pas baptistes, c'est ce pasteur-là qui m'a invité, il n'est pas baptiste. Là, je me suis posé dans ma tête, comment est-ce que tu fais pour aller dans une église baptiste, mais en même temps, tu n'es pas baptiste, tu ne veux pas être baptiste, mais tu vas dans l'église baptiste pour avoir un enseignement. Si tu es baptiste qui ont dilué quelque chose, ben non, c'est toi qui es en train de te convertir au baptiste, je ne sais pas quoi. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre. Et là, ça fait comme une espèce de mélange dans l'enseignement. Et tu ne sais plus vraiment qu'est-ce que les gens croient ou qui ne croient pas. Et c'est devenu plutôt. J'ai fait le comment je dirais, quasiment le lâche. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, écoute, je ne peux pas commencer à aller dans ton église parce que je m'en vais bientôt d'ici, puis je finis mon ministère, je m'en vais bientôt. Mais savoir que j'aurais pu prendre le moment et dire, je ne peux pas aller prier avec toi parce qu'on n'a pas la même croyance. On n'a pas les mêmes croyances. On ne voit pas la vie chrétienne de la même façon. Parce qu'à un moment donné, comment est-ce que je peux prier avec toi si je ne suis pas capable d'adorer avec toi? Moi, c'est toujours ma question que je pose à ces hommes-là. Pourquoi je ne peux pas adorer le dimanche matin avec toi dans la même église, mais je peux prier avec toi le dimanche soir? Qu'est-ce qui ne marche pas là? On devrait être capable d'adorer le même Dieu dans la même bâtisse si on est capable de prier le même Dieu le dimanche soir. Il me semble dans ma tête, à moi, en tout cas, c'est comme ça que, que je pense. Et fait que là, on laisse tomber un paquet d'affaires pour je ne sais pas quoi. Pourquoi on veut faire? Pourquoi on veut prier ensemble? On ne veut pas adorer ensemble? On ne veut pas. En tout cas, c'est des questions que je me pose dans ma tête face à ça. Et je vous encourage à toujours vous interroger. Qu'est-ce que la personne croit dans son ensemble avant de vous joindre ou donner adhérence à ça? Il y a des choses qui sont moins importantes, là, dans le sens que je prends-tu du pain sans levain, ou je prends du pain, on se met-tu à genoux pour plier, ou on se met pas à genoux pour plier, c'est pas ça la question. Mais l'ensemble des croyances qu'on nous a-t-il à voir dans l'Épître à Timothée, qu'on va en parler un petit peu à soir, ce qu'on appelle les absolus, jusqu'où que tu vas aller, puis il faut faire attention à ça. Il y a tellement de conflits dans les églises qui sont causés par ce qu'on appelle les non-absolus. Et personnellement, quand j'étais jeune chrétien, j'ai causé des conflits dans les églises où j'étais parce que je croyais que ce que je croyais était absolu. Et à travers les années, je me suis rendu compte que ce n'était pas des absolus. C'était mes convictions personnelles face à des choses, mais que ce n'était pas des absolus comme tels dans les Écritures et qu'il y avait de la place dans certains passages à des zones grises qu'on ne pouvait pas trancher au couteau aussi clairement que je voulais. Et des fois, je ne tenais pas compte de la culture, je ne tenais pas compte du temps que ça avait été écrit. Et donc, automatiquement, on a fait des arguments, et ça a fini par faire des chicanes, ça a fini par faire des divisions, parce qu'on met un absolu là où il n'y en a pas. Et Paul dit, fais attention de transmettre les absolus, mais pas transmettre la culture. Ta culture, elle n'est pas biblique. Les vérités bibliques ont été données dans une culture, mais ce n'est pas la culture qui est importante, c'est les vérités bibliques. Quand Jésus a fait le repas du Seigneur, il était couché, lui, à sa table, parce que c'était la façon de faire. On ne se couche pas, nous autres, pendant le repas du Seigneur. Là. Donc, leur culture, eux autres, qui ont pris le repas du Seigneur alentour, c'est ce qu'on peut croire. C'est pour ça que la tête de Jean était sur le sein de Jésus, c'était la façon de faire les choses. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, là. Mais on continue à pratiquer le repas du Seigneur, qui est l'absolu. Donc, il faut faire attention entre ce qui est la culture dans laquelle les absolus ont été donnés et les absolus. Donc, il faut faire attention. Puis nous, c'est la même chose. Nous, on transmet les absolus dans une culture québécoise. Notre musique est différente. Notre façon de faire est différente. Notre façon d'agir dans l'Église est différente qu'au 2e siècle ou au 12e siècle. Donc, c'est tout ça, c'est pas important. C'est les absolus qui sont importants. Donc, si je pourrais aller dans n'importe quelle église évangélique dans le monde, si je retrouve les absolus qui sont là, je peux fonctionner avec eux autres. C'est ce qui est intéressant. N'importe quelle église dans le monde devrait avoir les mêmes absolus, mais la culture va être différente. Donc, j'ai eu le privilège d'aller dans quelques pays, voir dans des églises évangéliques, puis leur culture était bien différente, mais je retrouvais les mêmes absolus. Puis j'ai pu me mettre devant l'église puis prêcher l'évangile, puis c'était la même évangile. Mais c'était pas les mêmes approches, la même façon de faire les choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ça. Et pour nous autres, et de transmettre à nos enfants, à nos, à nous, les gens qui vont se convertir sous notre ministère, de toujours faire la part des choses entre ce qui est un absolu et ce qui n'est pas un absolu. Et parce que les enfants vont voir dans différentes familles de chrétiens qu'ils n'agissent pas de la même façon. Puis là, ça va les interpeller. Si toi, tu dis que ça c'est vrai, puis ça c'est pas vrai, puis ça c'est péché, puis ça ne l'est pas, les autres chrétiens le font, tu dis. Les enfants regardent, mais papa, regarde, lui, les autres chrétiens, ils font tout. Si c'est péché, que c'est vraiment ça qu'on laisse faire ça. Il faut faire attention. Est-ce que c'est vraiment un péché? Ben non, c'est juste que moi, je pense que c'est pas correct. C'est-tu vraiment écrit dans la Bible, c'est péché? Ben non, c'est pas marqué comme ça. Il faut faire attention. Donc, parce que les enfants, quand ils arrivent à un certain âge, remettent en question notre façon de vivre la foi. Et puis des fois, ils vont prendre une autre direction pour la vivre, leur foi. Puis nous, on met des objections à ça quand on ne devrait pas en mettre, parce que c'est peut-être aussi bien la façon qu'ils vont exprimer leur foi que la nôtre, mais différemment. Cette semaine, j'ai downloadé sur mon iPod des affaires des chrétiens, puis je me suis puis écouté, puis là, je tentais de faire mon jogging, j'écoutais, puis quoi, ça commence, mon gars, de la musique forte dans mes oreilles. Je dis, que c'est ça, cette histoire-là. Là, c'était du rap, tu sais, de la musique qui parle, tu sais. Puis je dis, moi, j'ai downloadé, tu sais, c'est pas ma musique. Du coup, je vais écouter un petit peu, je l'ai downloadé, c'était sur un site chrétien, je vais regarder. Et c'était un homme qui donnait un partage, comment il s'est converti, c'était un rappeur, puis il s'est converti. Là, maintenant, il chante la musique, avec la même musique, il a mis des mots chrétiens dessus. Et puis, ça l'appelle à beaucoup de jeunes, ce genre de musique-là. Et mais là, maintenant, les vérités sont les vérités bibliques dessus. J'ai écouté, là, c'est deux minutes, là, c'était juste deux minutes en enfer. Mais, sur le coup, là, j'étais tendance à vouloir fermer ça, ça m'agressait, parce que c'est pas ma musique, c'est pas ma façon d'écouter les choses. Mais est-ce que je vais rejeter la personne parce qu'il fait du rap, avec une musique très forte, une musique très contemporaine, ou bon, non, si je vais dire, c'est pas grave, il véhicule des vérités bibliques avec ça, des absolus. C'est ça qui est un petit peu différent dans ce sens-là. Donc ce soir, dans notre passage, dans chapitre 3, verset 14, 15 et 16, Paul va parler, va continuer à parler des absolus dans l'Église ou des vérités bibliques dans l'Église, ou la façon de se conduire dans l'Église, mais il va donner la raison. Je vous ai dit au début que ces trois versets-là, c'était le cœur de l'Épître. C'est la raison d'être de l'Épître. Et on va les lire ensemble sur le lien. 3, 14, 15, 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc ça, c'est la raison fondamentale que Paul a écrit l'Épître à Timothée. Si Paul avait été proche, il aurait probablement juste traversé la rue et il aurait été dire à Timothée ce qu'il avait à dire, puis on n'aurait pas eu l'Épître à Timothée. Et vu qu'il était loin, puis il dit, ben, j'espère bientôt aller te voir. Mais il dit, en attendant que je vienne te voir, je vais te donner des règles, je vais te donner des directives pour que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'il prend le temps de donner ces règles-là? Il va donner des raisons. Et la première raison qu'il dit, c'est parce que l'Église est la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais donner des conduites, une ligne de conduite différente qu'il y a ailleurs? C'est parce que là, ce que nous, on se dit, c'est qu'on est, c'est la maison de Dieu. Fait qu'il y a des règles différentes. Je sais pas si j'avais déjà dit ça à vos enfants. Là-bas, ils font ça, mais dans la maison, ici, on fait ça. Vous avez déjà probablement dit ça, hein? Les parents ont tout dit ça à leurs enfants, que part mes parents m'ont dit aussi. Oui, oui, les voisins, ils font ça, mais ici, on fait autre chose. Ici, c'est les nolettes, Christ. Les nolettes, ils font pas ça comme ça, ils font ça comme ça. Et chaque maison a ses petites règles personnelles de maison. Et dans la maison de Dieu, il y a une façon de se conduire, parce que c'est la maison de Dieu. Donc, si ce ne serait pas la maison de Dieu, il y a d'autres règles de conduite. Mais vu que c'est la maison de Dieu, il y a des règles de conduite à absorber. Comme il y a des maisons, vous allez aller en rentrant, tout le monde enlève ses souliers à la porte. Bon, si vous allez sur le japonais, enlève les souliers avant de rentrer dans la porte. laisse les suivre sur le perron. Donc, chacun a ses règles. Puis dans les cultures, c'est encore plus différent. Donc, chacun a sa petite façon de faire. Mais dans la maison de Dieu, il y a une façon de se conduire qui est différente. Parce que c'est la maison de Dieu. Si c'était la maison de Bouddha, d'autres règles. Si c'était la maison de Krishna, d'autres règles. Si c'était la maison de Mahomet, d'autres règles. Mais là, c'est la maison de Dieu. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que dans la maison de Dieu, qui était le temple à ce moment-là, il y avait des règles de conduite. Tu n'avais pas le droit de faire ceci, tu n'avais pas le droit de faire cela, tu pouvais faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire demain, tu peux faire demain. Dieu avait donné un paquet de règles pour gérer la vie dans le temple qui était la maison de Dieu. Jésus, vous vous souvenez, quand Jésus est arrivé, il a fait un fouet. Pourquoi? Il avait changé les règles de conduite, il avait changé la raison d'être de cette maison-là. Il dit, ma maison, c'est une maison de prière, vous en avez fait une maison de voleurs. Donc, il pousse un fouet, dehors tout le monde. Parce qu'il avait enfreint les règles de conduite, où il avait oublié que cette maison était la maison de Dieu. Pour raison quelconque. Donc, et là, il faut faire attention que quand nous, on arrive dans le Nouveau Testament, il y a aussi des règles de conduite. Mais c'est dans la maison de Dieu universelle. Ce n'est pas des règles de conduite qui donnent pour Mont-Tremblant. On aimerait bien ça, là, qu'ils nous disent à Mont-Tremblant, vous allez faire ça. Mais non, il ne fait pas ça. C'est une règle de conduite universelle, éternelle, dans le sens qu'autant, aussi longtemps que l'Église va exister, ça va être les mêmes règles de conduite. Pourquoi? C'est toujours la maison de Dieu. Même quand on va tous être morts, nous autres, puis il y a des chrétiens qui vont nous avoir remplacés, ça va être encore la maison de Dieu, même si on n'est plus là, hein, n'est-ce pas? C'est la maison de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit ceci dans Hébreux, je vais vous lire un texte. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Il dit, c'est nous. Ça devient beaucoup plus personnel que quand on dit c'est l'Église. Surtout pour nous autres catholiques, le notariat plein d'Église, c'est une bâtisse quelque part, c'est quelque chose d'autre. Mais il dit, l'Église, c'est nous. Et on pourrait regarder à plusieurs passages dans l'Ancien Testament, où est-ce que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu, vous êtes en tout cas, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a des règles de conduite différentes que dans les autres maisons. Dans la maison du diable, dans la maison du monde, peu importe ce qu'on voudrait dire, dans la maison de la chair. Dans la maison de Dieu, il y a des règles de conduite qui sont différentes. Et ces règles de conduite-là, ici on parle dans l'Église. Mais il y a des règles de conduite dans la vie privée aussi, parce qu'on est la maison de Dieu, mais quand on va partir tout à l'heure, on va s'en aller, on est encore la maison de Dieu, chacun de nous. Donc il y a des règles de conduite aussi individuelles dans la maison de Dieu. Mais il y a aussi des règles de conduite quand on est ensemble en tant que maison de Dieu. Et c'est ce que Paul parle ici. Il parle de règles de conduite quand l'Église est ensemble, quand les différents individus sont ensemble. OK? Faut faire la différence parce que des fois, il y a des règles de conduite à faire quand on est en groupe, mais qui ne tiennent plus quand on est seul. Mais puis il y a des règles de conduite qu'on ne peut pas amener dans l'Église. Parce que là, on est en Église, on est en groupe. Je disais à mon garçon, tu peux faire tout ce que tu veux si tu es seul dans le bois. Mais aussitôt que tu vas vivre en société, il y a des règles de conduite dans la société que tu ne peux pas enfreindre. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, ça n'a pas d'apparence. Si tu ne le fais pas, on te met la police après toi, puis tu te fais arrêter. On t'amène en prison. Parce qu'il y a des règles de conduite aussi dans la société. Parce que tu ne peux pas faire ça dans la société, mais tu peux le faire chez vous. Dans ta maison, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tout ça. Et aussitôt que tu viens en groupe, tu fais tout ça. Et dans l'Église, c'est le même principe. Mais les règles sont différentes. Les règles sont différentes. Donc, et je méditais sur le fait que ce fait que je connais depuis des années, qu'on est la maison de Dieu. Et c'est vraiment spécial comme, comme pensée. Et plus on y pense, puis plus on médite dessus, plus ça va nous donner certaines victoires dans la vie de tous les jours. Un matin, j'ai médité là-dessus, je travaillais dessus pendant 2-3 heures, puis pas longtemps après, une tentation est venue dans ma vie, puis juste le fait d'avoir pensé pendant 2-3 heures de temps, parce que je faisais pas mon message, j'étais à la maison de Dieu, je l'ai pas fait. Mm. Voyez-vous, c'est une force qui vient de l'intérieur, que le fait que je médite sur le fait que je suis spécial, je suis la maison de Dieu, il y a une règle de conduite là que tu fais pas ça. Donc, des fois, on pense que la prière, je vais prier, Seigneur, fait que je fasse pas ça. Puis pourtant, on le fait. Parce que c'est pas la baguette magique, la prière. C'est plutôt la prière devait va m'aider à comprendre les vérités bibliques. Et pendant que je les médite, pendant que je les repasse dans ma tête, c'est pour ça que l'apôtre, pas l'apôtre, mais Josué va dire, médite-le jour et nuit, afin de ne pas pécher. Je médite la parole de Dieu, j'y pense, je réfléchis. Et automatiquement, je ne le fais pas. Ça va m'aider à ne pas le faire. Je ne dis pas que c'est la solution magique tout le temps, mais c'est une vérité qui est là, qui nous aide à se rappeler. Quand je me rappelle qui je suis, quand j'étais au mariage samedi, j'ai lu un passage dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, où ce que le Cantique des Cantiques dit, quand il fait une description de l'amour, il dit, « Porte-moi près de ton cœur comme le bracelet que tu portes au bras que ton nom est écrit dessus. » Tu sais, en voulant dire... Puis moi, j'ai changé le mot, j'ai dit au groupe, j'ai changé le mot par « anneau », parce que dans le contexte de mariage, ça se présente bien. Il dit, « Porte de ton cœur comme l'anneau que tu portes à ton doigt, souviens-toi que ça devrait être pour toi, tu me portes près de toi comme tu peux porter cet anneau-là, que quand vous allez voir l'anneau que vous avez au doigt, ça va vous rappeler qui vous êtes. Je suis marié, donc ça va m'aider à faire des choix dans ma vie, le fait que je suis marié. » Donc, c'est... L'apôtre Paul, il dit, je vous ai donné des règles de conduite jusqu'à date. Je vous ai dit comment les hommes devaient faire, comment les anciens devaient faire, comment les diacres devaient faire, comment les femmes devaient faire. Je vous ai donné un paquet de règles de conduite parce que vous êtes la maison de Dieu. Et Paul va dire la même chose aux Corinthiens. Si vous détruisez la maison de Dieu, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, il dit, vous ne devriez pas agir de même parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit ou la maison de Dieu, ça revient à la même vérité. Donc, il semble que Paul revient à cette vérité-là, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, pour donner une ligne directive à l'Église dans leur vie. Hey, n'oubliez pas, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Il y a des choses qui ne se font pas. Et ça nous aide à nous rappeler le grand privilège que nous avons, le fait que Dieu est en nous et qu'on est là dans la présence de Dieu. Et on devient des fois un peu plus gêné sur certaines actions, le fait que Dieu est là. Mais en même temps, aussi que le fait que le Dieu est en nous, ça comble le besoin qu'on voudrait faire par le péché qui est devant nous. Et par le péché qui est là, il veut que ce péché-là, on veut le faire pourquoi? Pour combler un besoin. On veut combler un besoin. C'est automatique, c'est comme ça. On veut combler un besoin par ce péché-là. Mais ce n'est pas une réalité. Ça va nous détruire. On le sait, mais c'est tellement fort qu'on le fait pareil. Et le fait de se rappeler qu'on est le temple de Dieu et qu'on est la maison de Dieu, ça va combler un certain besoin en nous qui peut nous donner une force contre la tentation, à ce sens-là. OK. Ça, c'est la première vérité qui dit. J'ai donné des règles de conduite, puis je vais te dire des règles de conduite parce que vous êtes la maison de Dieu. Okay? Deuxième chose, je dis, parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y a des choses dans l'Église. L'Église a un rôle à jouer. Une colonne, ça sert à quoi? À soutenir. Un toit. À soutenir quelque chose. Vous avez déjà entendu l'histoire? Il y en a qui croyaient anciennement que la terre était assise sur des grosses colonnes. était assise sur des colonnes. Il y en a qui la voyaient assis sur des éléphants, d'autres la voyaient assis avec un bon, tout cas, c'est bon faire. Donc, mais la colonne, c'est habituellement, ça supporte quelque chose. L'Église a un rôle d'être la colonne de la vérité. La colonne de la vérité. La vérité, elle est assise sur l'Église. C'est toute une responsabilité. Donc, l'Église est là pour être l'appui de la vérité. Donc, la vérité, c'est s'assit sur la colonne, puis elle reste elle là, elle est solide là. Et dans notre société, quelle est la colonne de la vérité? Vous me posez la question aujourd'hui, Et pour vous, dans votre ancienne vie, je peux dire, c'était quoi la colonne de la vérité pour vous? C'était quoi la colonne de la vérité? La science. La science, j'ai marqué, la science est une grosse colonne aujourd'hui, une grande colonne de la vérité. Si la science dit quelque chose, on a tendance à y croire. Puis on va voir qu'on y croit. Même à On voit qu'on a la foi parce qu'on se met à agir en conséquence. Même si on ne l'a pas vu, même si on ne l'a pas entendu, même si on ne l'a pas senti, elle l'a dit. Ça doit être vrai. Hein? Puis on s'appuie beaucoup. Puis j'écoute des fois des annonces qu'ils donnent. Puis je me dis, mon ami, on a la foi dans ce qu'ils disent. Parce qu'on se met à changer nos habitudes de vie à partir de ce qu'ils disent à la télévision ou alors à la radio, n'importe quoi. Puis on dit, où est-ce que ça vient cette affaire-là? Tu sais, là. On ne sait pas. On se le fait dire peut-être 10 000 fois, puis on finit par le croire, puis on se met à agir. Mais la science est une des appuis. On nous dit que le monde n'a pas pu commencer comme ça, donc on finit par croire, la majorité des gens au Québec maintenant croient à l'évolution, ou quelque chose de semblable. On commence à nous dire qu'il y a probablement de la vie sur Mars, probablement là, ils ont trouvé peut-être un exemple d'eau, il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire, ah, il y a déjà eu de la vie sur Mars. Ils vont croire, la vérité est là. Ici, on ne parle pas, puis des fois, le gouvernement est la colonne de la vérité dans notre société. Le gouvernement fait des lois morales. Des lois morales. Le gouvernement va dire, ça c'est bien, ça c'est mal. On va déclarer des choses complètement contraires à ce que Dieu dit. Et les gens vont dire, mais si le gouvernement lui dit que c'est correct. Sinon, le gouvernement a une force. La Cour suprême déclare, ça maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça, ça tu n'as plus le droit de faire. Non. Mais, la dernière que j'ai marquée, qui est une colonne de vérité, c'est nous-mêmes. Je vais décider que moi je pense que c'est bien, je le fais. Moi je pense que c'est bien, je le fais. Donc je me fais, moi, la colonne de la vérité. Je m'intronise, si je peux dire, je me déclare. Je déclare que c'est vrai. Je déclare que c'est faux. Je dis que ça c'est bien. Je dis que ça c'est mal. C'est moi qui décide. Donc je me fais la colonne de la vérité. Puis moi, j'étais bien fort là-dessus. Moi, le gouvernement, la Cour suprême, puis la science, mais quand j'étais converti, oh François, il y avait de l'autorité, je vous garantis. Ça, c'est pas mal. Il a dit ça, le gouvernement a dit ça, moi, je dis que c'est pas mal. Donc, si c'est pas mal dans mon cœur, ben, les gens qui vont dire, si toi, tu penses que c'est pas mal, ma conscience me dit que c'est correct, donc c'est correct. Ensuite, on se déclare colonne de la vérité dans ce sens-là. Mais Paul, il dit, je t'ai donné des règles de conduite parce que l'Église a un rôle à jouer d'être la colonne de la vérité. L'Église a ce rôle dans la société. Si la société serait chrétienne, devrait dire, l'Église, elle va nous dire qu'est-ce qui est moral. Le gouvernement devrait dire, s'il comprendrait bien son rôle, on va demander ça à l'Église, si Dieu veut de marier les homosexuels. On va demander ça à l'Église parce que c'est un acte moral, c'est un état spirituel ou religieux, cette affaire-là. Pendant des millénaires, c'était mal. Dieu a détruit Sodome et Gomorre à cause de ça. Donc, on devrait s'adresser à l'Église pour voir si c'est bien ou mal. Dernièrement, j'ai commencé à lire des articles sur l'euthanasie pour voir où est-ce qu'on était rendu à ce niveau-là. Et là, c'était parce que je lisais sur la compassion par rapport à mes études du dimanche matin. Puis là, j'ai vu un acte de compassion. J'ai cherché sur Internet, j'ai marqué acte de compassion. Et là, marque par compassion. On tue des gens par compassion. Je me disais, c'est-tu vrai ça? On peut-tu tuer quelqu'un par compassion? On a-tu le droit? Qui va nous dire la vérité maintenant? C'est l'Église qui devrait nous dire la vérité. Parce que l'Église a reçu le rôle d'être l'appui et la colonne de la vérité. C'est l'Église qui devrait décider ça. C'est l'Église qui devrait décider de ce qui est mal, de ce qui est bien. Par les Écritures, bien entendu. On va dans les Écritures, on dit, Dieu a enseigné ça. Dieu a dit ça. C'est comme quand il y a eu des débats dans les Églises du premier siècle, on allait où? Aux apôtres, qui étaient le fondement de l'Église, doctrinalement parlant. Puis on demandait aux apôtres, Jésus a-tu enseigné ça? Si Jésus disait, non, il n'a pas enseigné ça, ça venait à cet âge-là. Donc, Dieu, si vous lisez la Bible, Dieu a donné différents rôles. Le gouvernement a reçu un rôle, c'est la protection des citoyens. Le gouvernement a reçu juste un rôle. Nous, on lui a donné des milliers de rôles. On lui a donné l'éducation, on lui a donné la santé, on lui a donné toutes sortes d'affaires. On s'est déchargés de nos responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'individu. Mais la Bible, elle donne juste un rôle au gouvernement, un rôle de protection. Le rôle des parents, c'est les enfants. L'autorité, c'est les parents ont l'autorité sur leurs enfants. Le mari dans le foyer, et l'Église, elle a reçu le rôle d'avoir le maintien ou l'appui de la vérité. Donc, c'est son rôle dans la société. Et donc, à cause qu'on a ce rôle-là, nous devons avoir des règles de conduite. Attention, quand je dis règles de conduite, là, c'est pas comment je dois me couper les cheveux, c'est pas comment je dois m'habiller, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'enseignement moral, religieux ou spirituel. C'est quelque chose que c'est Dieu nous donne des absolus, puis on doit les maintenir. Parce que tout à l'heure, on va être interrogé là-dessus. Tout à l'heure, on va avoir un rôle à jouer avec ça. De dire à la société dans laquelle on vit, non, Dieu ne dit pas ça. Non, Dieu dit ça. Oui, il y en a un enfer. Oui, il y en a un ciel. Oui, ça c'est mal. Oui, ça c'est péché. Oui, ça c'est bien. C'est notre rôle dans la société, en tant qu'individu. Là, on parle à soi en tant qu'Église. En tant qu'Église, il va être ça. Aux États-Unis, je ne dis pas que c'est fait dans le bon but, aux États-Unis, quand le président, ce que j'ai entendu de la part de certains Américains et chrétiens, le gouvernement, quand il prend certaines décisions, va interroger les grands leaders spirituels. Les autres, c'est pour avoir des votes, c'est pas pour être biblique. Ils interrogent les grands hommes de Dieu aux États-Unis. Vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu correct? Si on fait une loi contre l'avortement, ou si on fait une loi pour l'avortement, et là, les chefs religieux devraient donner leur opinion, hein, parce qu'ils savent que ces 10, 15, 20 chefs religieux influencent des millions de personnes. Et s'ils partent en guerre contre Bush, et Bush n'aurait pas les votes qu'il voudrait avoir, mettons, exemple, là, je me suis Bush, ça aurait pu être n'importe qui avant. Hein. Et donc, ils font une demande de même. Pas toujours pour les bonnes raisons. Si, on va interroger les 15, 20 hommes les plus en vue, évangéliques aux États-Unis, pour voir qu'est-ce que Dieu dit là-dessus. Est-ce que Dieu approuve ça? Est-ce que Dieu approuve l'homosexualité? Est-ce que Dieu approuve l'avortement? Est-ce que Dieu approuve si? Il dit, Dieu ne l'approuve pas, donc on ne passe pas le doigt là-dessus. On ne touche pas à ça. Ce n'est pas à nous autres à changer la loi de Dieu. Donc, à cause que l'Église a ce rôle-là à jouer, c'est important que on ait les règles de conduite qui sont valables auprès de Dieu, qui sont justes auprès de Dieu. Donc, en faisant cela, on va garder cet appui de la vérité-là qu'on est en tant qu'Église dans ce sens-là. Donc, faut et la vérité qui était là, l'Église, la vérité, elle devait défendre ou proclamer ou appuyer en l'âme sans après Jésus. L'Église a la même vérité aussi encore aujourd'hui à appuyer dessus. C'est ça que je dis que la culture ne doit pas être transmise dans ce sens-là. Donc, la culture, c'est des belles traditions. Les traditions, c'est valable, mais ce n'est pas la Bible, ça. C'est pas la Bible. Il ne faut pas faire l'erreur des Juifs. Jésus dit, vous avez rejeté les vérités pour garder vos traditions. Donc, c'est ça qui est le danger avec les traditions. Des fois, elles deviennent tellement plus importantes que la Bible qu'on les laisse tomber la Bible pour la tradition. Et si les Juifs l'ont fait, on n'est pas exempt de ça, nous autres non plus, en tant que peuple ou en tant qu'ensemble. Donc, la première chose que je dis, pourquoi je te donne des règles de conduite? Parce que vous êtes la maison de Dieu. Je vous donne des règles de conduite parce que vous êtes la colonne et l'appui de la vérité. Vous donnez des règles de conduite au verset 16, il donne la troisième raison, parce que le mystère de la piété est grand. Là, il y a tout un monde par rapport à ça. Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et là, il définit c'est quoi le mystère de la piété. C'est quoi la piété pour vous? Je vais reculer au verset 9. Il appelle ça le mystère de la foi. C'est le même mot, c'est le même mystère que là. Et là, c'est le mystère de la foi, dans une conscience pure. Là, ici, il parle du mystère de la piété. Ça veut dire la même chose. Alors, selon moi, c'est la même vérité. C'est le contenu. Le mystère de la piété est grand. Comme le dévoilement, ou ce qui était caché, puis qui a été révélé, c'est grand. C'est gigantesque. C'est infini, quasiment. Donc, c'est pas le mystère de la piété, je ne sais pas c'est quoi, donc je ne vous en parlerai pas. Comment peux-tu parler de quelque chose qui ne saurait pas et qui ne comprendrait pas? Ça n'a pas de sens. Donc, le mystère, vu que de notre heure avancée, il y en a qui partent, je vais juste vous donner la feuille. Vous en prendrez une feuille tout à l'heure et vous l'amenez chez vous, vous la lirez. OK? Vous la lirez, ça va être intéressant de voir une idée, c'est quoi les mystères de la vérité de ça. Mais il va le définir ici. Ce mystère de la piété est grand. Il est, moi, je crois qu'il est grand dans le sens que, qu'il parle dans le sens qu'il est le plus grand. C'est quelque chose de, qui dépasse toute chose, qui est au-dessus de toute chose. Puis là, il le définit, ce mystère-là, dans verset 16. Dieu a été manifesté en chair. C'est pas tout le monde, vous tous, le mot Dieu dans vos Bibles? Verset 16. Celui. Il s'est révélé. Celui qui a été manifesté en chair. Et justifié par l'Esprit. Oui. Puis des anges. Puis toi, Lucie, t'avais quoi? Bien, juste avant, c'était il s'est révélé comme un être humain, mais avant ça, il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Puis après, ils disent il. Fait ouais. Le il, c'est le Christ. Oui. Donc, mais dans ma Bible, moi, c'est le mot Dieu qu'elle a. OK? Donc. Il y a tout un débat, là, tout un débat chez les chrétiens, c'est quel mot qu'il y a dans la langue originale. Et il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de « il », puis il n'y a pas de « celui », puis il n'y a pas de « Dieu », puis il n'y a pas rien. Ça dépend de ce que tu interprètes avant, comment tu as le mot. Parce que dans le grec, il n'y a pas de mot, là. Et, dépendamment de quel texte grec que tu t'inspires, c'est un petit peu différent. Mais tout le monde comprend que c'est le mot manifesté en chair, ce qui a été manifesté en chair, c'est le Fils. On le sait, ça. Hein? Donc, il dit le mystère de la piété, c'est que Dieu a été manifesté en chair, ou celui qui a été manifesté en chair, qui est Dieu, qui est Jésus, justifié par l'Esprit. Et l'Esprit, ici, il faut comprendre ça, que c'est les miracles que fait. Hein? Parce que Jésus va dire, on va le voir la semaine prochaine, ou dans deux semaines, le dimanche matin, qu'il y a le Saint-Esprit a fait des miracles. Jésus dit, tous les miracles que je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance s'est manifestée, et Jésus a démontré, justifié qu'il était Dieu fait chair par les miracles qu'il a fait. Puis là, ensuite, il va dire, vu des anges, il n'y a pas grand monde d'entre nous. On pourrait tous dire, dans un certain sens, qu'on était vu des anges, parce que les anges, s'il y en a ici, ils peuvent nous voir. En tout cas, je pense qu'ils peuvent nous voir. Mais, lui, ce qu'il est en train de dire, qu'il était vu des anges avant, OK? Avant de venir, il était vu des anges. Les anges l'avaient vu avant qu'il vienne, parce qu'il parle d'être manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Vu des anges, prêché aux nations. Qui a été prêché aux nations? C'est Jésus-Christ. Et cru dans ce monde et élevé dans la gloire. Donc, il parle ici de l'incarnation jusqu'à la glorification de Jésus. OK? Donc, là, il parle de la vie de Jésus sur la terre. Puis ça, ici, c'est le mystère de la piété. En tout cas, ça, là, c'est pas des absolus. Je vous mets en garde. Ça, c'est des absolus. OK? Il dit, vous êtes, jusqu'à certain point, le gardien du mystère de la piété. Et qu'est-ce que c'est le mystère de la piété? Dieu s'est fait chair, il a été justifié par le Saint-Esprit, il a été vu des anges, il a été prêché dans le monde, il a été cru dans le monde, il a été élevé dans la gloire, ce qui remonte au ciel, dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas... C'est ça le cœur de l'Évangile, dans le sens. C'est ça le cœur de la vérité biblique. Il faut garder et protéger avec la prunelle de nos yeux, presque comme la prunelle de nos yeux. C'est vraiment là que. C'est pour ça que Paul est si soucieux de donner à l'Église des règles de conduite qui sont en accord avec le fait qu'elle est la maison de Dieu, qu'elle est la colonne de la vérité. Et qu'elle est le gardien ou la manifestation de la vérité ou de la piété ou du mystère révélé. Parce que nous, on est maintenant les porteurs de ce mystère-là. Mm-hmm. Nous sommes le résultat de ce mystère-là. Mm-hmm. Et ailleurs, vous allez voir dans vos feuilles, Paul va dire que Christ, c'est le mystère, et Christ habite en moi, donc le mystère habite en moi maintenant. Et je suis porteur de ce mystère-là que je dois proclamer aux nations, que je dois faire connaître aux nations, que nous sommes le seul mouvement, pas les baptistes, je parle du père du christianisme, qui proclame un Dieu fait chair. D'autres vont proclamer un être humain fait Dieu, comme ça. OK, des êtres humains qui sont devenus des dieux par leur mort ou après leur mort. Nous, on est les seuls qui disent que le Dieu qui a créé le monde s'est fait chair, dans ce sens-là, qui est venu habiter parmi nous. Donc, on est unique dans ce sens-là, et on est les gardiens de ça. Puis, si vous regardez bien, dans tous les mouvements religieux qui ne sont pas évangéliques, ils attaquent ces vérités-là, ici. Dieu fait chair, on croit plus à la, on croit plus à la, à la, l'incarnation, on ne croit plus à la, l'Immaculée Conception, si on peut dire ça comme ça, on ne croit plus que Jésus n'a pas eu de père, on ne croit pas qu'il est ressuscité, on ne croit pas qu'il est monté au ciel avec son corps, ressuscité. On met en doute un paquet d'affaires par rapport à Jésus-Christ. Et je vous dis, dans tous les mouvements religieux qui ne sont pas évangéliques, la plupart du temps, ils attaquent la personne de Jésus-Christ, d'une façon quelconque. De façon quelconque. Et remarquez bien, dans tous les mouvements, surtout qui ont parti des années 1830 jusqu'à 1920 à peu près, beaucoup de mouvements qui ont parti à ce moment-là, qui ont tout rejeté Jésus-Christ de façon quelconque. Témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes, un paquet de monde qui ont parti dans ces années-là, qui rejettent Jésus d'une façon quelconque, qui n'est pas trinitaire, qui n'était pas Dieu avant, mais qui est devenu Dieu après sa résurrection, c'est pas Dieu, c'est un ange. On a tout changé par rapport à Jésus-Christ. Donc, on a tout changé des choses par rapport à Jésus-Christ. Et notre rôle à nous, c'est de maintenir la vérité par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Et c'est souvent là que ça bouge là, pour nous autres. Parce que beaucoup de mouvements religieux vont parler de Dieu comme étant le créateur du monde, puis tout ça. Mais quelqu'un embarque pour dire que Jésus, c'est Dieu fait chair, là, il débarque. Il débarque. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Et les règles de conduite qu'on va avoir dans l'Église doivent manifester que nous sommes cela. OK? Donc, il faut faire attention. Ce que je tentais de dire comme étant un absolu, est-ce que quel rapport que ça a avec le fait que je veux manifester qu'on est la maison de Dieu, qu'on est ici, qu'on est ici, qu'on est ça? Donc, il faut faire attention de bien garder ça en pensée, ça, ces vérités-là. Que nous sommes, que nos règles de conduite doivent découler de ce que nous sommes et non pas définir ce que nous sommes. Dans le sens de nous amener à faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, à cause de ce que je suis, je dois avoir une règle de conduite comme ça. Ma règle de conduite ne changera pas qui je suis. Elle va juste manifester qui je suis. Elle ne peut pas me transformer ma règle de conduite non plus. Donc, mais l'Église va manifester ce qu'elle est. Va manifester ce qu'elle est par sa conduite. Nous, quand on entend le mot conduite, on pense toujours avec notre façon d'être, là, de notre capacité de s'abstenir du péché ou pas. OK? Mais c'est pas toujours ça. C'est comment on va réagir si on fait des péchés aussi. Et comment on perçoit le péché. Et qu'est-ce qu'on fait devant le péché. Il va autant être une manifestation de qui on est, qu'on est la maison de Dieu, que le fait des fois qu'on est capable de s'abstenir du péché. On s'abstient du péché parce qu'on est la maison de Dieu. Mais quand on en fait, on le reconnaît, puis on dit que c'est pas Dieu, ça vient pas de Dieu. Etc. Donc, faut faire ça aussi dans ce sens-là. Donc, mais que ça devrait être pour nous, ce soir, un émerveillement de savoir qu'on est la maison de Dieu. Et je vais terminer en disant que il y a plus de vérité en vous que dans n'importe quelle autre personne dans ce monde ici qui ne sont pas des chrétiens. Peu importe la quantité de vérité que vous savez, il y en a plus en vous que dans ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes les porteurs de la vérité dans ce monde. C'est pas le gouvernement, c'est pas les professeurs à l'école, c'est pas les autres. C'est nous qui sommes les porteurs en tant qu'Église, mais en tant qu'individu aussi. On est comme ça. On est des porteurs de la vérité dans ce monde. Et quand on pense ça, quand on s'arrête et on y réfléchit, ça nous donne du front autour de la tête. Ça nous donne du front. J'ai la vérité. J'ai la vérité. J'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai la vérité. Il ne faut pas dire que j'ai pas une façon. Je parlais avec un chrétien cette année qui disait qu'il se sentait coupable de ne pas faire l'évangélisation de telle façon. Mais je n'ai pas raison de te sentir coupable de ne pas le faire de telle façon. Tu devrais te sentir coupable si tu ne veux pas le faire ou tu ne le fais pas jamais. Tu ne veux jamais le faire. Mais je dis, d'une telle façon, ça, c'est pas grave. Parle-toi d'une autre façon, si tu veux le faire. Mais c'est le fait qu'on a la vérité et qu'on sait que ce qu'on croit, ce qu'on dit, ce qu'on voit dans l'avenir, ce qu'on connaît de l'au-delà. Je connais plus de vérité sur l'au-delà que n'importe quel psychologue ou psychiatre. J'en connais plus. C'est pas dire que ces gens-là n'ont pas leur raison d'être, mais il faut leur donner la place juste qu'ils sont. Nous connaissons la vérité ou plus de vérité qu'eux autres en connaissent. Donc, ça devrait nous donner un encouragement. Faut-tu y aller? Oui, on va prier. On va terminer cela ensemble, asseoir, on va prier, puis ça va terminer. Notre Père du ciel, nous sommes conscients que tu as fait de nous des êtres vraiment spéciaux. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la colonne de la vérité dans ce monde. Nous sommes une manifestation, si je peux dire, du mystère de la piété qui a été révélé et prêché au monde entier. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes en tant qu'Église et en tant qu'individu de se conduire de façon que ça va être manifesté. Et non pas pour gagner quelque chose, non pas pour s'attribuer quelque chose, mais pour que tu sois glorifié, pour que tu sois exalté et que tu sois reconnu comme étant notre Dieu, notre Sauveur. Utilise-nous, Seigneur, afin de faire connaître ce grand mystère qui a été révélé, qui est Christ fait chair, qui est Dieu fait chair, pour sauver le monde. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.